Chapelle dans les bois de Émile Nelligan, enregistré pour LibriVox.org. Chapelle dans les bois. Nous étions là, deux enfants blêmes, devant les grands autels à franges où Sainte-Marie et ses anges riaient parmi les chrysanthèmes. Le soir poudrait dans la nef vide et son rayon la flèche jaune dans sa rigidité d'icône effleurait le grand sein livide. Nous étions là, deux enfants tristes, buvant la paix du sanctuaire, sous la veilleuse mortuaire aux vagues reflets d'améthyste. Nos voix en extase à cette heure montaient en rogation blanche, comme un angélus des dimanches, dans le lointain qui prie et pleure. Puis, nous partions. Je me rappelle, les bois dormaient au clair de lune dans la nuit tiède où tintait une voix de la petite chapelle. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Lu par Sandra, à Montréal, 2021.